du point aveugle du débat, écrit-il, que nous avons actuellement. Et là, je vais te citer l'extrait qu'il a mis sur Internet. Et là, là, je vous le dis, là, c'est pas une farce, c'est pas un canular, j'ai pas inventé ça. Voici ce que Gabriel Nadeau-Dubois avait à écrire et à dire. Je suis le premier à défendre la diversité. Là, j'ouvre les guillemets, là, puis je le cite. Je suis le premier à défendre la diversité culturelle et cela commence par une défense en règle de notre culture québécoise. Mais à ce chapitre, ce n'est pas l'islamisation qui devrait nous inquiéter, c'est l'américanisation. Ce n'est pas le retour du religieux à travers un péril islamique qui menace les cultures du monde. C'est leur uniformisation par le bulldozer de la marchandisation hollywoodienne. Bon, ça, et là, pire que ça, il dit, Vincent Guzzo et le quartier 10-30 sont beaucoup plus dangereux pour la culture québécoise que quelques hijabs. Monsieur si on veut construire un... qui est une grande opportunité pour cet âge. Et c'est ça qu'il a jamais compris, ce gars-là. Le printemps arabe, là, on en a parlé. Lui, il a vécu ici un petit peu avec son chose. Il, alors, je pense qu'il a aimé l'attention que vous, les médias, vous y avez donné. Oui. Puis là, il est en withdrawal. Là, là, il sait pas comment vivre sans cette attention-là. Puis là, il pense qu'il va faire comme le coucou, là, à tous les midis ou à tous les heures. Il va sortir coucou. Mais monsieur Guzzo, vous pourriez débloquer des budgets, puis peut-être créer film à la mémoire de monsieur Dubois. Mais oui. Peut-être Claude Dubois, oui. Au moins, c'est culturel, c'est quelque chose de québécois. Mais Nadon Dubois, honnêtement, là, il faut que, vous savez, c'est cette vision, cette manière de nous prendre, nous tous, les Québécois, on est 8 millions, de nous prendre pour des imbéciles, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, au nom de la culture au Québec, on a gaspillé de l'argent, puis on a fait des niaiseries, juste en mettant le mot culture, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais oui. Mais c'est pas vrai, ça, là. L'idée, ça vient comme ça. L'américanisation que lui il parle, là, il faut qu'il se réveille. L'Europe, l'Italie, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là sont mis ensemble pour créer une nouvelle culture qui s'appelle l'Europe. Ouais. Puis chacun d'eux a mis un petit peu d'eau dans leur vin. Maintenant, si quelqu'un n'a pas encore compris, là, nous on habite au Canada, dans la province du Québec, dans une petite ville, île qui s'appelle Montréal. Mais vous savez, tout ça, là, ça se trouve en Amérique du Nord. Ouais. Donc, Amérique du Nord. Donc, notre poutine, on l'a exporté à New York, et c'est très populaire. Puis eux, ils ont exporté des affaires de New York ici, puis c'est très populaire. Puis là, c'est ça connaître des cultures. Nous, on fait connaître la nôtre, on apprécie l'autre, puis la culture, pour la garder, là, ça serait bon que ça se fasse à la maison. Ben oui, mais pas rien que ça. Vous regardez les mises en candidature aux Oscars des films québécois ces dernières années. Si ça, ce n'est pas un beau pied de nez à l'américanisation, je vois pas ce que ça peut être. Sur ce volet-là, c'est encore pire. Vous allez me dire, moi, le film War Witch, et la raison pourquoi je dis War Witch, c'est parce que c'est comme ça que le film a été nommé aux Oscars. Il n'a pas été nommé avec son titre français-québécois financé par la SODEC. Il a été nommé avec son film subventionné de télé du fédéral. Donc, War Witch. Excusez-moi, je voudrais savoir... Téléfilm Canada. Quand quelqu'un, moi, me dit, ce film-là, c'est un film culturel québécois, moi, je voudrais bien savoir, je veux pas être méchant, là, mais en quoi une guerre civile au Cambodge, c'est québécois. Quoi c'est culturel avec moi au Québec? Ben, c'est vrai, c'est une excellente question. Mais M. Boudou, vous avez beaucoup critiqué aussi, justement, les programmes de subvention, parce que c'est devenu, malheureusement, une industrie de subventionner plutôt qu'une industrie d'épanouissement de notre culture. Puis ces gens-là s'imaginent que avoir un succès dans vos salles, il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de dégueulasse, alors que faire des cinémas d'auteur, même s'il n'y a pas personne qui le voit, si on gagne un grand prix avec un jury international, ça c'est important, puis ça, ça compte. Il y a cet élément-là aussi là-dedans. Mais il y a cet élément-là, mais moi je veux juste vous dire une affaire. Quand on fait des bons coups, on en parle du rayonnement. Oui. Quand on en fait des mauvais, peut-être qu'il faudrait aussi en parler pour qu'on dise, regarde, on a fait un mauvais coup. Je vous donne un exemple. Moi, un film qui gagne un prix à Venise, ça me fait... Je suis content, là. Laurence Anyways. C'est Tom à la ferme qui a gagné à Venise. Il a gagné à Venise, là, moi, ça fait mon affaire. De Xavier Dolan. Que le monde, il comprenne ou il comprenne pas, moi, ça fait mon affaire. Parce que plus le monde, il connaît ce film-là, plus le monde a envie de le voir, plus quand je vais le jouer, le monde, ils vont payer pour venir le voir. Mais moi, j'ai fait de l'argent. Donc, quand moi, win-win. Je critique, c'est un win-win à ce niveau-là. Mais faudrait peut-être aussi dire à M. Dolan que... C'est dire à un journaliste du Hollywood Reporter qui peut kiss his ass si ça fait pas trop rayonner le Québec sur l'étranger. Non, mais... Vous comprenez? Et c'est ça que je pense que M. Nadeau-Dubois, lui aussi, il faut qu'il comprenne que s'il veut être politicien, puis s'il veut être leader de demain de la société au Québec, mais qu'il commence à réaliser qu'on n'est pas tous des caves, ouais. OK? Qu'on va pas accepter que lui mette des choses sur Facebook, puis après, il retire. 5 heures après, parce que quelqu'un lui a dit, hey, je pense que t'as vraiment dit quelque chose qui fait pas de sens. Et il faut qu'on pense, un politicien, là, ça a l'obligation de penser avant, repenser encore, et peut-être parler après. Oui, mais monsieur Goudzou, faut qu'il parle. Étiez-vous surpris hier que Gabriel Nadeau-Dubois vous accuse d'être plus dangereux pour notre culture que les islamistes? Parce que moi, là, c'est ça qui m'a... Hier, là, j'ai tweeté ça, puis j'ai envoyé ça partout sur les réseaux sociaux. Je peux pas croire que quelqu'un vous voit comme une menace pire que des islamistes. Il y a quelque chose de débile mental dans cette réflexion-là. Ben, disons qu'avec qu'est-ce que je connais de M. Nadeau-Dubois, et avec le fait que, disons que c'est ici en politique, le sensationnalisme est beaucoup plus important que l'intelligence et la réalité, ça m'a pas surpris. En effet, j'ai regardé ça, j'ai dit, ben vraiment, il faut un crétin. Il faut quelqu'un qui est pas trop brillant pour dire ça. Qu'on veut critiquer l'américanisation en Europe. Hein? On a peut-être même encore le droit d'essayer de dire que c'est pas correct qu'on a Euro Disney pis c'est du American Trash. Mais il y a quand même 6000 kilomètres et plus qui nous séparent. Mais Monsieur Goudzou, là... C'est la frontière à côté, là. Mais... Puis on y va. Le pire, c'est que peut-être faudrait se faire savoir à Monsieur Nadeau-Dubois, là, combien de Québécois qui vont tous les années en Floride passer leur hiver aux États-Unis, aux States. Puis les Américains, ils sont assez ouverts, qui ont accepté d'avoir le Journal de Montréal là-bas pour desservir la clientèle francophone. Ils sont très welcoming de notre culture là-bas. Là, je vois pas que quelqu'un... Et lui, d'un autre côté, il se retourne, puis il met tout dans un pot, puis il a pas encore compris. Et la fin de la journée, c'est ça. Faut arrêter de parler à la minorité intellectuelle, puis il faut parler aux 8 millions de Québécois. Mais monsieur Goudzou, en plus, quand j'entends Gabriel Nadeau-Dubois vouloir vanter l'industrie cinématographique du Québec, quand je regarde, moi, là, au grand écran, là, des flops et des navets hautement subventionnés comme Hot Dog ou Camping Sauvage... Ben, Laurence Anyways de Dolan, le dernier, c'était ça aussi. J'aime bien mieux aller payer 8$ puis aller encourager Woody Allen que d'aller encourager des navets comme Hot Dog. C'est bien de valeur. Moi, je vous dis une affaire. Vous avez donné un bon exemple avec Woody Allen. Vous savez que même le grand monstre sacré de Woody Allen, il a dû changer sa technique et dire, je peux pas faire des films juste pour 500 000 New-Yorkais, puis tout le monde qui est pas sur l'île de Manhattan, ben, ils vont pas le comprendre, mon film, puis on s'en fout des autres. Il a pas pu le faire, ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, regarde, le grand, on arrête de payer pour ça. Donc, lui aussi, s'est adapté, puis essayer d'être rassembleur. L'autre chose qu'on oublie, là, aller au cinéma, c'est pas une visite culturelle dans un parc naturel ou national que ça coûte rien pour y aller, hein. Ça coûte de l'argent. Donc, quelqu'un, il dit, moi, là, j'ai envie de me distraire pendant 2 heures. Faut que je paye 10$, 12$. Faut que je mette mon manteau à -20 dans l'hiver. Hey, t'es mieux de me donner quelque chose qui va me distraire. Parce que si tu veux me montrer un film qui va me déprimer, là, je vais rester à la maison et je vais regarder la télé. Il y a du fun à la télé. Et c'est ça que le monde comprenne pas. C'est qu'ils veulent dire, moi, tu sais, il faut bien éduquer le monde. Mais l'éducation, là, qu'on laisse ça aux universités, au cégep, à l'école secondaire, puis le cinéma, c'est pour distraire. Maintenant, qu'on aille faire un cinéma comme Falardeau, comme Elvis Graton, que tout en étant comique, niaiseux, une parodie, mais il y avait un message. Il y a une réflexion, oui. Et ça, c'est correct. Qu'on fasse un film comme La Grande Séduction, c'est où c'était une comédie, mais il y avait un réel problème, ça, c'est intelligent. Ouais. Et faut bien comprendre que qu'est-ce que M. Goudzou, qui est moi, a dit, j'ai pas dit vraiment quelque chose de si extraordinaire. J'ai dit, faudrait peut-être, dans le fin fond, là, je vous dis la même chose, mais dans d'autres mots. Oui. Faudrait peut-être arrêter de faire les films que le monde ne veut pas voir, puis refaire des films comme il y a 4-5 ans que le monde voulait voir. Mais oui. Ah, la grande, en autre mot, c'est pas comme si je demande aux cinéastes québécois de faire des films qu'on n'a jamais fait, de trahir notre... Non, non. Faites donc ce que vous faisiez il y a 5 ans. Quand ça marchait. Bon ouais, cop, bad cop. Ouais. Exactement. Ouais. Et donnez donc la satisfaction à 8 millions de Québécois de dire, moi j'ai été voir ce film-là, moi j'ai eu envie d'aller voir ce film-là, moi je veux aller voir ce film-là. Et ça serait peut-être intéressant aussi de parler à certains producteurs qui vous diraient, parce que d'un côté, quelqu'un il dit, M. Goudzou, il dit ça, M. Goudzou, il dit ça. Dites-moi, mais est-ce que vous pouvez me dire, il y a quel film que M. Goudzou n'a pas encore joué de films québécois dans ces salles de cinéma? Vous voulez pas, parce que moi, j'y joue toutes. Mais oui. J'y joue toutes parce que je suis le seul qui peut se permettre de les jouer, parce que j'ai les plus gros complexes dans un emplacement, là. Et donc, que je joue un film qui a plein de monde ou il y en a moins, je prends pas beaucoup de risques. Et donc, j'aide la culture québécoise. Appelons donc Richard Goudreau, puis demandez-y les boys pourquoi il a joué en 80 copies. C'est parce que M. Goudreau n'a joué 46, le Noël 98. Non, c'est pas compliqué. Et donc, M. Goudreau, qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce qu'on vous reproche de diffuser des films américains, ou on vous reproche parce que publiquement vous êtes sorti pour dire qu'avant de donner du financement public, il faudrait peut-être qu'on s'assure que c'est des films qui intéressent le public? Est-ce moi, que c'est quoi qui est votre problème, là? Moi, je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a du monde qui simplement savent que dans le milieu corporatif du monde, dans le vrai monde, là, ils ne pourraient pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais on va aller quitter au gouvernement. Puis là, M. Goudzou, il vient nous écœurer parce que, en disant qu'est-ce qu'il dit, c'est comme s'il dit au gouvernement, prenez votre argent, puis dépensez-le un petit peu plus responsablement. Intelligemment. Et ça, là, ou plus intelligemment. Et ça, là, c'est important. Et peut-être on critique parce que j'ai des banquiers, j'ai des hypothèques à payer, puis moi, je veux y payer mes hypothèques sans aller voir le gouvernement puis dire, hey, tu peux-tu me donner une subvention d'une couple de millions pour que je puisse payer mes cinémas, puis j'ai pas à rembourser des prêts. Contrairement à d'autres, là, moi, la nature d'être quêteux, là, je suis pas fort sur être quêteux. Bravo. Et je trouve que, au niveau, là, écoutez, l'idée, ça vient comme ça. Si le gouvernement, il y aurait un surplus d'un milliard, OK? Et je serais taxé juste aux 25%, moi et tous les Québécois. Vraiment, wow, couleur. Wow. Alors, on rêve en couleur. Je me dis, t'as un milliard, tu t'abuses pas sur les taxes que tu m'imposes, tu sais quoi, fais ce que tu veux avec ton surplus, tu gères tellement bien, t'as le droit de faire ce que tu veux avec ton argent. Mais c'est pas ça, la réalité au Québec, là. Exactement. Quand on me dit, on est taxé à 50%, puis il nous manque 800 millions, et puis, quand vous allez aller à l'hôpital, vous allez attendre 5 heures de plus que vous devriez, mais là, je me dis, attends une minute. Ça marche pas. Au lieu de mettre 3,5 millions dans un film que personne veut voir, oublions qui est bon ou pas bon. C'est ça que le monde voulait pas comprendre. Moi, j'ai jamais dit, ce film-là, il est bon, lui, il est pas bon. Moi, je dis, le Dieu sacré qui décide qu'est-ce qui est bon ou pas bon, c'est la clientèle. Ouais. Hey, vous devriez aller en politique. Monsieur Goudzou, une chose est certaine. On vote pour vous. Pendant ouais. temps, on va aller voir vos, on va aller voir des films dans vos salles. On va vous remercier beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Merci, monsieur. Grazie mille, signore. Grazie. Vincenzo Cuzzo. Propriétaire des cinémas Goudzou. Ben, je l'aime par cet homme-là parce qu'il n'y a vraiment pas sa langue dans sa poche. On a beaucoup parlé du cinéma, mais on s'est attaqué aussi au 10-30 du côté de Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Ça, écoute, tu sais, les gens le construisent, puis c'est à la population de décider si on y va ou non. Le 10-30, eux autres? À part de ça, c'est les mêmes boutiques qu'au centre-ville, là. Fait que, tu sais, je comprends, il y a une défense là, du vieux modèle, des petits quartiers, là, la petite boutique de village, là, le magasin général. C'est les idées des gauchistes comme Gabriel Nadeau-Dubois qui est en train de tuer le centre-ville de Montréal. C'est eux autres avec le piste cyclable, avec le stationnement, avec le sens unique à sens contraire, avec le taxe sur tout, qui sont en train de faire fuir le monde puis qui financent le 10-30. Le plus grand agent de développement économique du 10-30, c'est pas le monde qui construisent à Longueuil ou ça arrive sud. C'est ici, sur le plateau Mont-Royal, les élus avec Luc Ferrandez en tête. Tu aimes le midi. Radio X. Le show du matin. Si jamais voulu faire de la politique, là. Appelez-moi donc avant. Je vous donne un cours gratos. Non, ça... S'il en faut deux, non, fois, ça va. Je prendrai pas exemple sur vous. Des fois, il faut que je réponde trois fois à la question avant que vous acceptiez ma réponse. Ben, répondez comme du monde à la place. Ça va être moins compliqué. Il faut prendre deux heures avec vous, M. Monnette. Peu importe le parti. Si vous voulez vous présenter, je vous aime assez. Je vais m'asseoir avec vous. Moi, vous faire une bonne formation. On s'en parle, M. Drainville. Le show du matin avec Monnette. Lundi ou vendredi, 5h30. Radio X. Parce que votre matelas a plusieurs utilités, comme trampoline pour les enfants, comme terrain de jeu pour les moments intimes, et bien sûr, comme endroit de repos. Pour toutes ces utilités, un bon matelas, c'est indispensable. La Cité du matelas vous offre des matelas de qualité à partir de $109 durant la grande vente de liquidation. La Cité du matelas, des matelas pour tous les budgets et styles de lit. Livraison disponible le jour même, lacitédumatelas.ca, 6155 boulevard Taschereau, Brossard, près du Maille Champlain. Cielo Tapas, resto bistrot chic au cœur de Montréal sur le boulevard Saint-Laurent. Cielo Tapas, une découverte méditerranéenne bouchée par bouchée. Cielo Tapas, une large variété de tapas sophistiqués préparés chaud ou froid. Faites l'essai des gnocchi aux truffes, un pur délice à faire grimper au 7e ciel. Cielo Tapas pour des événements spéciaux, familiaux, de boulot ou du temps des fêtes. Réservez l'élégante chambre privée. Cielo Tapas. 5329 Boulevard Saint-Laurent, restaurant cielo.com. Pour sauver de l'argent, il y en a qui sont prêts à embarquer dans leur char puis faire 300 km pour aller magasiner à Plattsburgh et sauver quelques dollars en taxes. Des fois, avez-vous de quoi à déclarer? Non. Il y en a aussi qui sont prêts à acheter des copies chinoises peu fiables via un site internet en Bulgarie pour se retrouver finalement avec une patente à gosse qui marche pas. Puis il y en a qui vont sur le bazar via radiox.com. Ça marche. Besoin de lunettes solaires? Obtiens un chèque cadeau d'une valeur de $100 de la boutique Lunettes. L'enchère commence à $30. Faites la mise avant lundi 18h. Rendez-vous sur le Bazar Radio X sur RadioX.com. Rise Against. Long Forgotten Songs, B-Sides and Covers. 26 chansons disponibles pour la première fois. Incluant des covers de Nirvana et de Bob Dylan. Rise Against. Long Forgotten Songs, B-Sides and Covers. Album disponible maintenant. John Scotty Volvo termine l'été en feu avec une offre jamais vue. Jamais vue. Attention, profitez de la route au volant d'une Volvo d'occasion et économisez jusqu'à 18 000 $ sur le prix original. Une chance unique. Seulement John Scotty peut vous offrir une Volvo 2012 certifiée avec environ 20 000 km et une garantie de 6 ans ou 160 000 km. Dépêchez-vous. Avec un financement à partir de 1,9%, cette offre ne passera pas deux fois. John Scotty Volvo, la référence à Montréal. Consultez volvoenfeu.com. Le 19 septembre, les 12 plus belles filles du Québec te donnent rendez-vous pour le lancement du calendrier du Dream Team Summon Radio X 2014. Les 12 mois partent en tournée près de chez toi. Rendez-vous à 17h à la station des sports sur le boulevard industriel à Laval, 20h au Jack Saloon du quartier 10-30 et à 22h30 à la station des sports sur Jarry à Saint-Léonard. Le 19 septembre, les plus belles filles viennent à toi. Défilé sexy, ta chance de te faire prendre en photo avec ton mois favori et découvrir le making of du calendrier. Le calendrier Dream Team Summon Radio X, en vente bientôt. J'aime le midi. Le midi. Pour bien comprendre toutes les subtilités de la droite. Radio X. Radio 48, dernier segment de Duhem le midi. On nos peut collègues... pas faire toute une émission sans parler de la charte des valeurs, hein, parce que vous savez que on c'est la priorité pas et l'urgence nationale. Ben, j'ai essayé d'en parler avec Nicolas Girard, ouais. Mais j'attends encore le début du commencement d'une réponse. Il faut qu'il parle à ses conseillers. Il sait pas s'il y a une seule personne qui travaille dans un autobus ou dans un métro à Montréal. Dans le train? Ou dans le train. Qui a un signe religieux qui pose problème. Ostentatoire. Ou ça peut être dans les cabines pour les tickets, là. Utilise pas le mot ostentatoire, parce que là, je vais te faire écouter un extrait de nos collègues de notre station à Kick, ouais. Choix Radio, mais Kick Radio X Saguenay. Ce matin, ils ont été hier, eux autres, dans un centre d'achat Saguenay? Dans le merveilleux royaume du Saguenay, poser des questions au sujet de cette fameuse charte des valeurs à des gens qui se promenaient tout bonnement dans le centre d'achat. Écoutez bien ce que le monde avait à répondre. Vous allez voir que le PQ puis le monde ordinaire, pas en même place. Faut enlever crucifix, faut enlever cible, là, ça va être les édiles, ça va être d'autres choses. Nos religieux, ils enlèvent les prêtres enlèvent le corps romain, ça va être partout. Si je parle, par exemple, d'un kippa, je vous donne trois définitions, laquelle convient le mieux. Un petit kangourou australien, une calotte appelée yarmulke, ou un mets à base de couscous, d'artichaut et de safran? Moi, je dirais le mets. Je vais manger le kangourou. Savez-vous c'est quoi?